Ah. Si nous n'avions pas de machine, de machine. Si nous n'avions pas de bouton. On, off. Clic. Power. Master. Control. Nous devrions tout faire nous-mêmes. Faire soi-même ses tâches. Ordiner. Soi-même, communiquer, se déplacer, construire, conserver, faire naître le feu, savoir peser le pour, le contre, et tout le reste, pour surtout, ne rien gaspiller, des besoins. N'y pensons plus. À quoi bon? Nous sommes encerclés. Parlons aux machines, machines. Pensons machines. Les machines se prêtent au rôle exécutoire. Et c'est pour ça qu'on les aime. On aime. Qu'elles exécutent. À notre place. Ce qui passera vite. Pour trop laborieux. Après les avoir vu faire. Soumise au délire des uns, aux petites habitudes, tudes, des autres, sans jugement. Nous sommes ici. Dans une culture. De l'échantillon. Du sample. Et des loupes. Inhérente. À une vision. Fractale. De l'univers. De la vie. Un dans tout, et tout dans un. Une vision, quittant. À modéliser. Les processus. Puis. À généraliser. Les modèles. Parallèlement. Une culture. Ou l'expression, qui convient, doit forcément pouvoir, convenir, telle quelle, à la demande, et en toutes circonstances. Bien. coffrant. En de nombreux cas. Des perspectives attrayantes. Comme des bons cantiques. J'y vois aussi. L'application. D'un système qui simplifie. Les données. Certes, mais. Jusqu'à en faire. Oublier. Que tout n'est pas toujours. À simplifier. Au-dessus. En alternative. Je désire. De façon innée. M'intéresser. Aussi. À une vision. Fragmentaire. Du monde. Une vision. Du monde. Ou le fait. De ne devoir. Envisager. Que des cas. Particulier. Et la règle. Général. Peut-être. Pour ce camp. N'offre. Mes sens. L'ensemble. M'échappe. Totalement. Même. S'il existe. De vagues. Supputation. Et signe. D'immanence. Cependant, qu'un fragment, concret, émouvant, est à ma portée, et que, celui-là, j'entends, ne pas le louper. Tant pis ou tant mieux. S'il est fractal. Comme. Source sonore. La radio. est un amas de flux permanent. Qui fait à sa manière, une métaphore de la vie, en société. La coexistence. Des ondes. Et de leur monologue. L'impossibilité. De tout percevoir. Simultanément. De jurer. Qu'il n'est pas plus. Intéressant. Juste à côté. Là par hasard. Disparu. Le temps. De le dire. La soumission. De s'être abandonné. À ses propres choix. Des fragments de la radio ne sont pas des échantillons de la radio. Tout au contraire. Un échantillon est prévisible, et docile. Un fragment, et sournois, et sauvage. Il n'en a pas moins. Son mot, à dire. Sans aucune. Frustration. D'être. Incompris. Ce sont. Les fragments. D'entité. Qui continue. À faire leur vie. Avec leurs impératifs. Qui ont été saisis. Sans l'être. Qui s'en foutent. Et resteront butés. À se régénérer. Inlassablement. Que ces ondes coexistent autour de nous, en permanence, puissent dialoguer, de façon constructive. Semble. Des plus improbables. Pourtant. Malgré leur surdité. On est. En mesure d'attendre du plus grand, des hasards, des moments, d'accointance, de complémentarité, surréaliste, né de la rencontre, fortuite, de ses interlocuteurs, inconscient, et d'une machine, à coudre. D'accord. Comment les tirer? vous êtes ouvert. Monte chez vous. Maman.